étendu au seuil du bassin, dans l'eau plus froide que le sein des vierges sages, j'ai reflété mon vague ennui, mes yeux profonds couleur de nuit, et mon visage, et dans ce miroir incertain, j'ai vu de merveilleux matins, j'ai vu des choses pâles comme des souvenirs sur l'eau que ne saurait ternir nul vent morose. Alors, au fond du passé bleu, mon corps mince n'était qu'un peu d'ombre mouvante. Sous les lauriers et les cyprès, j'aimais la brise au souffle frais qui nous évente. J'aimais vos caresses de sœur, vos nuances, votre douceur, aube opportune, et votre pas souple et rythmé. Ne faisons rire parfumé au teint de lune. Et le galop des Égypans et la fontaine qui s'épand en larmes fades. Par les bois secrets et divins, j'écoutais frissonner sans fin la madrigale. Ô cher passé mystérieux, qui vous reflétez dans mes yeux comme un nuage, il me serait plaisant et doux passer d'essayer avec vous le long voyage. Notre ronde.